près d'une poupée de 5 ans. En mini-jupe de temps en temps. Avec ses grosses jambes, ça n'est pas si facile de gambader dans les champs. C'est une poupée de 19 ans, avec un sourire de 10 ans.